En direct du cerveau de Mathieu Plante. Voici Écoutons-la dans la chanson. Bon matin, bienvenue à Écoutons dans la chanson, l'émission qui vous permet d'entrer dans ma bulle, dans mon intimité, à moi, Mathieu Plante, l'animateur baroblique méga vedette de C'est fou. Et pour accompagner Mathieu, comme à toutes les semaines, sa douce et gentille conscience, tout aussi méga vedette que lui, qui vous accompagne dans ce joyeux périple matinal, donc en ce lundi, entre 10h et midi, et le jeudi, entre 9h et 11h. Oui, et elle s'auto-congratule aussi, cette conscience. Mais bien sûr, je suis tout aussi pimpante et heureuse de moi-même que Mathieu, la version corporelle de moi-même. Mm. Donc, on s'aime. Ah, on s'adore, on est beau à voir, ouais. Hein? On est les meilleurs. C'est cute, ça. Hey, c'est, devine quoi, conscience. C'est la 20e. Écoutons dans la chanson. Ah, excellent. C'est très bonne nouvelle, ça. Pas en tout. Ça veut absolument rien dire. Mais tu sais, il faut continuer la parodie du... On est bon. On est bon. On est bon. Hey, 20 émissions. Super. Célébrons. Sortez le champagne. Bon. C'est un peu tôt pour ça, par exemple. Ouais, un peu. Mais on va boire du jus d'orange, par exemple. Ouais. On pourrait boire un mimosa. C'est quoi ça, un mimosa? Ben, ça a l'air que c'est comme ça que ça s'appelle, l'espèce de champagne avec du jus d'orange. En tout cas, si je me trompe, corrigez-moi, là, mais c'est ce que je crois, en fait. Donc, c'est la version fancy du jus d'orange le matin, avec du champagne dedans. Wow! Ouais, je pense qu'on le mérite, là. On est tellement bon. Ben, ça, une chocolatine. Une bonne chocolatine. Mais c'est très bon. On commence l'émission avec un bloc plus relax. Comme vous le savez très bien, l'émission commence lentement. Voici En avion de Winter Mitz. C'est nouveau dans les palmarès francophones, ce Winter Mitz. Palmarès francophone. Ah, OK. On va aller entendre ça. Écoutons-la donc. La chanson. On ira en avion. New York et Paris. La clé dans la porte. On ira. Ta chemise avec ta senteur, ta voix dans la. New York et Paris. sourire simple, non muet. Rien à rajouter sur les jours légers qui tournent. Moi j'ai la tête lourde et si tu cherches tu me trouveras en la vraie jazz. Rue du Progrès 623, du André Jazz. À moins que Montréal ne soit noir, du André Jazz. Pour ton souvenir qui ne s'efface pas, du André Jazz. De nos jours, on se protège comme on peut. Dans un sèche-linge, j'ai caché mon cœur. S'arrêter ainsi, j'en ai bien peur. Et nos lettres sont flammées dans la lessive, on va faire l'enfer. Quoi, je l'ai pas fait exprès. Mais si tu cherches, tu me trouveras en la vraie jazz. Rue du Progrès 623, du André Jazz. À moins que Montréal ne soit noir, du André Jazz. Pour ton souvenir qui ne s'efface pas, du André Jazz. Rien à retenir, sauf les soupirs sur notre histoire abandonnée dans le vide. Suspendu comme les orphelines, comme des guirlandes. La vitrine, ça amuse les touristes qui viennent me rappeler que ma vie n'est qu'un autre cliché. Un badge, un foulard, une larme, hypochlorite sur ton slim jean. Oh, si tu cherches, tu me trouveras en la vraie jazz. Rue du Progrès 623, du André Jazz. À moins que Montréal ne soit noir, du André Jazz. Et ne me demande surtout pas ce qu'elle a de jazz. Si tu m'aimes, tu reviendras en la vraie jazz. S'il est trop tard, tant pis pour moi, du André Jazz. Et quand tu décideras sans moi, je le saurai pas. Quand tu oublieras, tu le moi, je le saurai pas. Automélodie avec Buanderie Jazz. Hey, écoute, on adore la chanson, c'était bon. Hein? C'était très bon, je connaissais pas, mais très belle découverte. Oui. C'est un bloc palmarès. Juste avant, ben, il y avait Chad Van Galen, hein? Mm-hmm. Avec l'album Soft Airplane et la pièce Willow Tree. On a commencé avec Winter Mitz, l'album Heirloom et la pièce En Avion. Oui, Winter Mitz, qui est une formation francophone. Même s'ils ont un nom anglophone et un titre d'album en anglais aussi. C'est étrange. Ben, c'est pas grave. Là, on va continuer avec un bloc très thématique. Oui, thématique hivernale. Oui. Donc, avec l'approche de l'hiver et de la neige qu'on annonce dans les prochaines journées, si je ne me trompe pas. Tout à fait. Donc, faut se mettre dans le bain un peu. Effectivement. C'est pas parce qu'il y avait des décorations de Noël depuis le 31 octobre, genre que... C'est vrai qu'on est dans les cannes de Noël dans les rangées du Zellers, etc. Ah, ça me donne faim pour une canne de Noël. J'aime ça, les cannes de Noël, c'est bon. Mais j'aime pas la forme, j'aime pas le dans ma bouche, j'aime pas les coins cassants. J'aime mieux des cannes de Noël, mais en forme de pastilles. De moins ou de bonbons durs, là. Ouais. Grosse affaire, j'aime ça. Ben, tu pourrais faire une étude de marketing à ce sujet, puis peut-être lancer ça un jour sur un machin. Peut-être pouvoir faire fondre les cannes, puis les remodeler dans d'autres. Effectivement. On va regarder ça, on va faire des recherches sur l'internet, mais on va l'entendre pour l'instant, un bloc, comme on disait, hivernal. Il va y avoir du matin de frac là-dedans, c'est pas très hivernal, mais moi je l'entends tout le temps dans le coin de Noël, puis ça me met dans le mood. Je sais pas pourquoi. Avant ça, il va y avoir la formation Winter Gloves, donc des gants, d'hiver. Faut le voir comme ça. Mais on commence avec les Amis au Pakistan. Tout de suite, une pièce de Noël. Directement dans votre face. Voici Do Christmas. Noël soft. C'est très étrange, mais montadine que c'est bon.

BJ Matanfrak et check ça tourner. Écoutons-la dans la chanson. Check, check, check, check-moi ça. Ça, c'est une vraie tune de Noël. C'est une vraie tune d'hiver. Ça n'a pas de l'allure. Vraiment ça pas. Ça n'en revient pas. Je sais que ça n'a pas rapport. Tu veux que je t'explique? C'est que Matanfrak, à un moment donné, il a fait un spécial de Noël qui était diffusé assez fou. Puis ça, ben, c'est la tune qui était dans un peu. Ah. Ça me met dans... Ça me met dans l'esprit de Noël. Avant ça, ce qu'on a entendu, c'était les Winter Gloves avec Let Me Drive. C'est ça? Oui. C'est ça? Puis avant ça, c'était Espace Libidinal, l'album des amis au Pakistan. Et c'était la pièce Do Christmas, Noël Soft. Donc, chanson de Noël, plus ou moins. Hein? C'est, ben, ça a des petites clochettes, ça a Christmas dans le nom. Mais à part de ça... Du Noël en théorie seulement, je pense. Oui. Bref. C'est très expérimental. Nous, quand on fait des blocs de Noël, écoutons dans la chanson, c'est pas des tunes de Noël en tant que tel. Non, il faut penser à tout le cheminement philosophique derrière la réflexion et non seulement le vrai thème de Noël qui transparaît à la surface du bloc. On pourrait faire une maîtrise là-dessus ou une thèse, genre. Mais commençons par penser aux mitaines, puis à dire le mot Noël, puis avoir de la neige un petit peu dans nos chansons. Puis là, ben, à un moment donné, viendra l'esprit de Noël après le, je dirais, 27 novembre. Et rendu là, on laissera faire la thèse. Ou Ouais, rendu là, là c'est rendu Noël. Là, tes études, ça se prend le bord. C'est... OK. Prochain bloc. Il va y avoir de la bonne musique là-dedans, comme toujours. On va entendre du Mother Mother. Oh, on oui. aime tous les deux ça. Ah oui, oh, c'est très, très bon. Avant ça, il va y avoir Library Voices. Et on commence avec... Heroes Eta, voici Black Heart de l'album Into Your Lungs. Écoutons-la donc. La chanson, tout ça sur les ondes de C'est fou, la Radio Campus de Trois-Rivières. Il neige dans vos oreilles. Presque. Presque. Bien. Espérons. J'espère qu'à la reprise de jeudi, il neigera. Ah, j'espère, parce qu'on en parle beaucoup de neige. Your darkest dirt. Hardest paradox I ever learned. You're tireless, and I tire you quick. Seize the death of reason within my chair. got it on my senses. Just to be out in public. Oh. Yeah. Mother Mother est la pièce de l'album Oh My Heart. Écoutons la dernière chanson. Juste avant, c'était Library Voices avec Step Off the Map and Float. Ça, c'est deux des pièces les plus accrocheuses que je connais en ce moment. C'est vraiment super bon. Et au début du bloc, c'est une nouvelle pièce que j'ai découvert cette semaine parce qu'elle vient d'entrer dans le palmarès. C'est Hey Rosetta avec Black Heart de l'album Into Your Lungs. Même que l'album, si je me rappelle bien, ça s'appelle Into Your Lungs and Around in Your Heart and On Through Your Blood. D'accord, c'est très corporel. C'est, oui, c'est corporel. Ben oui. C'est descriptif, hein. Oui. Ça laisse pas place à l'imagination. Si tu veux mon avis, c'est un très bon bloc, ça. Très bon choix. Ben merci, et je te renvoie le compliment. Étant donné que je suis partie à la grande de toi-même. C'est ce que je voulais dire, il faut l'expliquer pas mal, mais bon. Ben oui, hein, il y a des gens qui viennent de se joindre à nous, alors on vous explique le concept rapidement. Il y a Mathieu qui est animateur / méga vedette de Sifu et moi qui est sa conscience qui l'accompagne dans ce joyeux périple matinal. Écoutons-la donc la chanson. It's delicious. Ah oui. It's delicious. Et pour continuer dans cette même veine de déliciosité. Oui, al dente. Uh-huh. Oui. On va aller se faire plaisir encore une fois, moi et Mathieu, qui apprécions beaucoup la formation Flight of the Conchords. Donc, on va aller se gâter avec la pièce Business Time. Ouais. On va se... Comment t'as dit? On va se faire plaisir? Oui. Mutuellement? Hein? It's business time. Yeah! Girl. Tonight we're gonna make love. You know how I know? Because it's Wednesday. And Wednesday night is the night that we usually make love. Monday night is my night to cook. Tuesday night we go and visit your mother. But Wednesday we make sweet weekly love. It's when everything is just right. There's nothing good on TV. You haven't had your after work, social, sports team practice, so you're not too tired. Oh, it's all on. You lean in and whisper something sexy in my ear like, I might go to bed now, I've got work in the morning. I know what you're trying to say, girl. You're trying to say, oh yeah, it's business time. It's business time. It's business. It's business time. Then went in the bathroom, brushing our teeth. That's all part of the foreplay. I love foreplay. A shaker, shaker, a shaker, shaker, a shaker, shaker. Ow! And you sort out the recycling. That isn't part of the foreplay process, but it is still very important. Next thing you know, we're in the bedroom. You're wearing that baggy old ugly t-shirt you got from your work several years ago. You know the one, baby, with the curry stain. Ow. I remove my clothes very, very clumsily, tripping sensuously over my pants. Now I'm naked, except for my socks. And you know when I'm down to just my socks, what time it is. When it's with me, girl, you only need 2 minutes, because I'm so intense. You whisper something sexy like, is that it? I know what you're trying to say, girl. You're trying to say, oh yeah, that's it. And you tell me you want some more. Well, I'm not surprised, but I'm quite sleepy. It's business. It's business time. Business hours are over, baby.

J'aime ça, connexionneur. C'est quand même le mélange entre la connexion et le collectionneur. Mais en fait, il y a vraiment de rapport avec la collection. Donc, c'est vraiment plus la connexion. Pas mal, oui. Oui, il n'y a aucun rapport avec le collectionneur. Passé, / futur, qui sait? Oh! Peut-être un retour de la connexion. J'aimerais bien. Oh. J'y pense. Ceux qui savent ce que c'est, premièrement, vont comprendre. Sinon, allez voir lunechance.com pour écouter les archives de la connexion, qui est l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. Nous, c'est la fin de la première heure de Écoutons la longue chanson, l'émission où vous pouvez entrer dans mon intimité. Et moi, Mathieu Plante, animateur / méga vedette de C'est fou, avec ma conscience qui m'accompagne toujours. Hein? Effectivement. Elle est gentille, cette conscience. J'espère bien, parce que si tu l'aimes pas, t'es un peu fait. Je suis un petit peu pogné avec maintenant que j'ai dit qu'elle pouvait co-animer avec moi. Eh oui. Bref. Alors, on se retrouve avec une deuxième heure tantôt, une deuxième heure un petit peu plus francophone. Il va y avoir là-dedans les Breastfeeders et Jacques Mort, deux groupes que j'aime bien. Donc, restez avec nous pour ça. C'est Écoutons la drôle de chanson, C'est fou 89.1. FM. Oh oui. Bonjour, c'est la deuxième heure d'Écoutons la dans la chanson, l'émission qui vous permet d'entrer dans mon intimité. Moi, c'est Mathieu Plante, l'animateur / méga vedette de C'est fou. Et pour l'accompagner, sa douce et gentille conscience qui se flatte elle-même dans le sens du poil. Elle aime se toucher. Ouais, c'est un peu vulgaire ce que tu dis, par exemple. Un peu. À peine. En passant, si vous êtes à la maison, vous êtes n'importe où et vous voulez vous aussi m'écouter, mais là, vous êtes en train de quitter l'endroit où vous êtes et vous avez juste accès à Internet, mettons. Mettons. Situation hypothétique. Ouais. Ben, connectez-vous donc sur le www.cif.ca. Une chance, ouais, mais une chance aussi. Unechance.com, ça c'est pour la balado-diffusion. Ouais. Ah oui. Les tunes qui ont joué pis toutes, là. Hein? OK. Mais vous avez raison. Cifou.ca pour entendre et pour réentendre si vous aimez tellement ça, allez sur Unechance.com. Ah, je suis sûr qu'il y a plein de gens qui téléchargent la balado-diffusion de cette émission qui n'a aucun contenu et aucune raison d'être écoutée. Il n'y a aucun sens. Aucun sens. Non, mais c'est le fun, on aime ça, nous. Ah, oh, ben oui, je suis sûr que vous aimez ça, vous aussi, à la maison ou dans l'auto aussi. Ben, dans votre bain, peut-être. Dans le bain, mais le bain, c'est dans la maison. J'avoue. Ben, dépendant, là, il y a des gens qui ont des bains à l'extérieur, je suis sûr. Ben, c'est pas au Québec. C'est une piscine, ça. Ben, ouais, ben moi, j'appelle ça un bain d'extérieur. Une piscine, moi, là, non. Toi, tu te laves dans ta piscine. Tout à fait. Ah, ben oui. Ben oui. T'as vu le classe que ça cause sur ma peau. C'est ça, écoutons la chanson, tu sais. Ouais, c'est des délires expérimentaux. On aime ça comme ça, hein. Puis on imagine que si vous nous écoutez encore, c'est que vous haïssez pas ça, vous autres non plus. Faudrait pas prendre ça pour acquis, par exemple. C'est peut-être aussi parce qu'il y a rien d'autre à la radio, hein. Ouais, je pense qu'il arrive. Il y a pas grand poste, hein, à Trois-Rivières. Mais de la merde, hein, c'est. Mais une chance qu'on est là. Une chance qu'il y a, c'est fou, hein. Ah, qu'est-ce qu'on ferait, sinon? Une chance que c'est fou. Une chance qu'eux, ils jouent du Jacques Mort avec cœur saignant, écoutons la don. La chanson. De. Même si je dois le chuchoter, oui, tu vas faire de moi un handicapé. Et si un jour ma langue venait à se délier, je persisterai à le chanter. Partout par terre, par petits bouts. joie, je ne pense qu'à moi. Les problèmes de la terre, c'est pas mon affaire. Mais quand les compagnies exploitent en Ouganda, des enfants de 6 ans, c'est peut-être à cause de moi. Je donne la centrale, ce n'est pas banal. J'aime mieux payer un peu, pas trop me sentir coupable. Personne ne se lève, personne ne se digne. Comme les trois singes, et j'ai vu rien entendu. Comme nos forêts, de nos océans bleus, exploités comme jamais, elles meurent à petit feu. Payons joyeusement nos terres ancestrales, le futur de nos enfants s'en balance pas mal. Le grand but dans la vie, dans tout l'Occident, c'est pas d'être écolo, c'est d'avoir plus d'argent. Personne ne se lève, personne ne se digne. Comme les trois singes, qui a dit rien entendu. Pour qu'on voit le drapeau battre aux quatre vents. Trouvons-le pourquoi le sens et la raison. L'amour de la patrie caché de la corruption. Quand je veux le pouvoir, j'ai de bonnes raisons. J'ai de bons amis, de belles ambitions. Personne ne se lève, personne ne se digne. Comme les trois singes, j'ai rien vu, rien entendu. Personne ne se lève, personne ne se digne. Zomrick et les trois singes de leur album Parlez moins, chantez plus. Écoutons-la donc, la chanson. Juste avant les trois singes de Zomrick, donc, c'était nos amis des Breastfeeders. L'album s'appelle Les matins de grand soir et la pièce qu'on a entendue et la raison pour laquelle je l'ai choisie va être évidente. Et j'apprendrai que c'est l'hiver. Donc, mieux vaut tard que jamais. Une pièce qui aurait dû se retrouver dans le bloc hivernal un peu plus tôt, mais, Mathieu, par son insolence, a décidé de mettre une pièce de ma tante Frère qui n'avait absolument aucun rapport avec l'hiver. C'était prévu de même. Je voulais tirer le plaisir. Bon. Ouais, ouais, c'est ça. Bon. C'est sympa. Et on a débuté avec Jacques Mare et Cœur saignant de leur simple d'anglais. Et que j'aimerais donc tu ça, entendre plus de Jacques Mare un jour, parce qu'avec 5 pièces, disons que tu fais le tour vite. Hein? Et je l'ai fait plusieurs fois le tour. Ouais. Plusieurs centaines de fois. Bon. J'avais le dire milliers, mais ouais. De là ambitionner autant. C'est quand même 500 fois, quand même. Quand même, ouais, ouais. Je les ai comptés 500 fois. Oui. Oh, ouais, ouais. Bref, le prochain bloc va aussi être francophone et là, ça va être un bloc de palmarès francophone. Pour changer un peu, il va y avoir du Ben de Garage, il va y avoir du André, mais on va débuter avec Chinatown. Ce sont probablement trois de mes pièces préférées du palmarès francophone en ce moment. Ça tombe-tu pas bien, rien que... On aime-tu ça parler d'ont-tu mal de même, nous ouais, autres, hein? D'ont-tu tabarouette de tu. On tu, est tu, vraiment tu. Radiophonique! Ouais, on roule nos airs comme Louise Forestier, pour ceux qui ont vu qu'on en parle dimanche. Ou André Sauvé aussi. Ah oui, c'est vrai. André fait ça. C'est vrai. On l'aime, André Sauvé. Ah, oh, j'en connais un qui va aller voir le show. Mais j'en connais un, moi aussi. C'est la même personne, je pense. Ouais. C'est moi. Ben, bon show, Mathieu. Ben, merci ben. Ça va être à Shawinigan, au Centre des arts culturels de Shawinigan, Culturation des arts. Incorporation culturelle. Change de nom tout le temps, il devrait se décider quand même. Ouais, c'est vrai. T'as raison, je change souvent. Je vais continuer de niaiser. Et ton radon! Chanson! Et l'amour renaîtra de ses cendres. Et ce chat dans ma gorge ronronnera. Je bénirai la pluie qui tombe. Et je redormirai comme un roi. Oui, mais en attendant, je ne pense qu'à toi. Tu es loin de moi et je n'ai rien pu faire. Et les zestes amers de corps délaissés me lancent des éclairs. sauver la table. Cuisante défaite, ma course s'arrête, je suis en enfer. Et les dés sont lancés, où vais-je échouer quand ça sera le tonnerre? Je ferai les 400 coups dans le vain espoir d'une force qui demeure. Mais la fin est loin derrière, nous regarde faire de sa tour assassine. Claudine danse dans la marée, des cœurs égarés. Je me suis saoulé dans tes soupiraux. De ses cendres et ce chat dans ma gorge ronronnera et je bénirai la pluie qui tombe et je redormirai comme un roi. La la la la la la. Les peurs band de garage et campeurs de leur album Cassette 2. Écoutons la chanson. Juste avant, c'était André avec J'aime le thé et la justice de leur album Le thé et la justice. Et on a débuté avec Chinatown et la pièce tour assassine de L'amour, le rêve et le whisky. Donc, vous êtes dans l'émission qui vous permet d'entrer dans mon intimité. Moi, c'est Mathieu Plante, l'animateur baroblique mégavedette de C'est fou. J'anime aussi le poste d'écoute, vous savez. L'émission qui découvre les nouveautés musicales pour la première fois en même temps que vous. Et ça, c'est le vendredi matin à partir de 10h. C'est vrai. Il y a aussi les palmarès C'est fou, un condensé de la meilleure musique que C'est fou à vous offrir. Ça, c'est vendredi soir à partir de 17h. Donc, soyez là pour ça. Nous, ben, on est toujours en direct à Écoutons la don la chanson le lundi matin de 10h à midi. On rappelle le jeudi à 9h. Dans le prochain bloc, qui va être complètement anglophone, il va y avoir Woodhands, il va aussi y avoir Old Folks Home, mais on commence avec Johnny Hollow. Voici Superhero. Écoutons-la donc, la chanson, sur les ondes de C'est fou 89.1 FM. Visitez les liens mentionnés dans cette émission et pour contacter Mathieu Plante, visitez le www.unechance.com. Always the glasses up on everything and never waking.

Trois classiques des palmarès de C'est fou, en tout cas classiques à mon avis, parce qu'elles m'ont marqué, ces pièces. C'était Dancer de la formation Woodhands, vous savez, leur album Heart Attack. Donc la formation, je le rappelle, Woodhands. Hein? Pour ceux qui veulent savoir. Justement, c'était Old Folks Home avec la pièce In No Way de l'album We Are The Fading Line. On a commencé avec Superhero de l'album Dirty Hands de Johnny Hollow. Moi, c'est une des pièces que j'ai le plus aimées depuis mes débuts dans les palmarès, il y a environ, j'imagine, à peu près 5 ans. À peu près. Hein? À peu près. Dans le prochain bloc, ça va être du palmarès francophone. Oui. Ah, et je dois vous dire, pour ceux qui suivent avec nous à la maison, comme je dis tout le temps, ma conscience est partie se coucher. Hein? Des fois, elle se fatigue avant la fin de l'émission. Elle n'est pas faite forte. Bref. Prochain bloc, il va y avoir du Valles Parietta avec la pièce Exil. C'est très excellent, ça. Mais tout de suite, voici Le Monde dans le Feu. Un coup mal pris. Écoutons la donc, la chanson. Premier tour de la révolution! Ce qui est bon pour toi est bon pour toi. On va se mettre un chapeau dans mes portes en chapeau. Quand on est dans le bout des soufflements moyens. On va se mettre un chapeau dans mes portes en chapeau. Quand on est dans le bout des soufflements moyens. El Motor et Alinéa de leur album éponyme. Écoutons la dernière chanson. Juste avant, c'était Vanessa Paglietta avec Exil. On a débuté avec Le Monde dans le Feu avec Un coup mal pris. Les deux premières sont dans le palmarès francophone de C'est fou. La dernière est un classique du palmarès francophone. C'est déjà la fin d'Écoutons la dernière chanson pour cette semaine. Donc, on se retrouve la semaine prochaine, toujours en direct les lundis matins de 10h à midi. En rappel, les jeudis de 9h à 11h. Je vous retrouve aussi à l'émission Le Poste d'écoute les vendredis matins à 10h où on découvre les nouveautés musicales pour la première fois tous ensemble. Et dans les palmarès C'est fou, les vendredis soir à 17h, un condensé de la meilleure musique que C'est fou à vous offrir. Ce qui nous suit le lundi, c'est l'excellent et grandiose Marc Perrière qui anime l'émission Tête d'affiche. Si vous écoutez le jeudi, il faut rester avec nous parce qu'à 11h, c'est la sécheuse, mais ensuite à midi, c'est Connaître ensemble, émission sur la périnatalité. On se quitte avec une pièce de la formation Threat from Outer Space. Leur album est Bleeding the Dying Elephant. La pièce est Space Out. Et je vous retrouve la semaine prochaine. Je vous adore. Bye bye. Bye bye. It's the bye bye. Space out, I pull your face out. By any means, break out. Make up characters like Salinger to take out. Popeye Doyle Steakout, Hawaiian Steakhouse. Mobsters drink crapper with big actors getting paid out. Big mouth's teeth broken for being outspoken. Stitches interwoven so the cuts won't reopen. Soaked in back teen and bad emotion. Keep hoping, but nothing changes for the hopeless. Tripping on the sofa, each hit closer. Hang with the kosher, East Van Social. Society is hostile to the apostle. Run like Al Gore on the fossil. Hear the muscle, it can be awful, stop being doubtful. Sweethearts love it by the mouthful. Over 5 billion dead, last few in the South Pole. Old school hip-hop flow, getting down low. Young writer, flow like a fighter. Explosion. Ice melts, Atlantis unfrozen. Shootings rise, all out of proportion. Violence is worse, space in distortion. And this is just a portion. 13 years old, with two or more abortions. Baby, stop. Tensions resounding, problems compounding. Crime out your doorway, and price gouging. Every single thing is astounding, just like a fountain. The rain keeps pow, pow, pow, pounding. Streets till I'm forced to stay lounging. Write down my thoughts and ideas by the thousands. Young writer, flow like a